pas le savoir, tu veux pas le savoir, maintenant. Tout le monde le sait, mais personne peut le voir pour l'instant. Je veux pas m'en faire, tu veux pas t'en faire maintenant. Tout le monde le sait ce qu'il nous faudrait faire maintenant. Je veux pas m'en faire, tu veux pas t'en faire maintenant. Tout le monde le sait ce qu'il nous faudrait faire, mais pour l'instant. On danse la danse du déni de l'évidence. On danse la danse du déni de l'état d'urgence. Tu veux rien devoir maintenant. Tout le monde sait qu'ils font pas leur devoir maintenant. Je veux rien devoir, tu veux rien devoir maintenant. Tout le monde remet son devoir à demain pour l'instant. Je veux pas me lever, tu veux pas te lever maintenant. Tout le monde sait qu'il faudrait se lever maintenant. Je veux pas me lever, tu veux pas te lever maintenant. Tout le monde sait qu'il faudrait se lever, mais pour l'instant. On danse la danse du déni de l'évidence. On danse la danse du déni de l'état d'urgence. Faut se rendre à l'évidence.